Chapitre 3e. La salle à manger ouvrait s'est croisée sur le vallon de la Vième. On y accédait de plein pied en venant de la cour, mais le chalet étant bâti sur un terrain en pente, la pièce se trouvait être au premier étage du côté du jardin. Une porte-fenêtre la mettait en communication avec une galerie extérieure qui régnait au long de la façade. En l'absence de Dordelu, Courouvre s'avança sur ce balcon pour se rendre mieux compte de la disposition du logis et entendit au-dessus de sa tête un bruit de voix conversant à l'étage supérieur. Il distingua tout d'abord le fossé de Dordelu, puis un organe féminin qui devait être celui de Madame Dordelu et qui possédait une qualité de timbre très agréable. C'était comme une musique aux notes claires et câlines. « Mazette, songeait Courouvre, si le corps de la dame ressemble à sa voix, elle doit être diantrement jolie. »« Christine, disait Onésime, je te ménage une surprise. Devine. Tu jettes ta langue au chat. Eh bien, je t'amène un ami à moi, un camarade de collège, que j'ai rencontré tantôt et qui passera quelques jours chez nous. » « Belle surprise, répliquait la voix d'argent clair. Je les connais, vos amis. Quelques commis-voyageurs ou quelques employés des contributions, ennuyés comme la pluie. Tiens, remarqua Courouvre, elle ne le tutoie pas. Je reconnais bien là les grands airs des belles rupes de l'île. On faisait maigre chair chez eux, mais on s'y disait vous, comme dans le beau monde. Tu te trompes absolument, ma bonne amie, repartait Onésime. Celui que je t'amène est tout autre chose. C'est mon ami Antoine de Courouvre, ni plus ni moins. Courouvre, du Clahon, le beau Courouvre en personne. Ainsi, fais-lui bon accueil. C'est bien, une minute, et je descends. Peu après, Onésime rejoignait son hôte. Christine va venir, s'écria-t-il gaiement. Je voulais te l'amener tout de suite, mais les femmes, tu sais, elle a voulu faire d'abord un brin de toilette. En attendant, je vais te montrer ta chambre. Il le conduisit à l'extrémité de la galerie dans une chambre très proprette, au papier clair et aux rideaux de cretonne. « Tu seras ici à ton aise et parfaitement libre, » continua-t-il. Comme il regagnait la salle à manger, un pas léger et un froufrou de jupe bruyèrent sur le palier, et Madame Dordelu apparut, vêtue d'une robe de laine beige, sur le corsage de laquelle retombait une ample collerette de grosses guipures, dégageant le cou tout en mettant en valeur la poitrine et les épaules. De taille moyenne, très blanche de peau, Christine avait d'épais cheveux bruns et de grands yeux verts. Courouvre ne vit d'abord que ses yeux-là, bien fendus, frangés de longs cils, baignés d'une langoureuse buée d'où irradiaient d'électriques lueurs. Son regard embrassa ensuite l'ensemble, la tête petite et fine, se dressant sur le cou svelte comme une fleur sur sa hampe, le nez droit aux ailes mobiles, la bouche aux lèvres pulpeuses comme des cerises. Sous le corsage flottant et la jupe bouffante, on devinait d'adorables formes, une jeune poitrine bien modelée et d'irréprochables hanches. En marchant devant des deux amis, Madame Dordelu semblait laisser derrière elle un voluptueux sillage. Matin, se pourpensait Antoine, pour sûr, elle n'a pas dérogé. Monsieur de Courouvre, dit la jeune femme en saluant son hôte, soyez le bienvenu chez nous. Je crois que mon mari vous a déjà montré votre chambre. Elle est un peu exiguë, mais nous sommes si à l'étroit ici, excusez-nous. Madame, répondit-il, c'est moi qui ai besoin d'excuses. En acceptant l'invitation du camarade Dordelu, j'ai peut-être été indiscret. « Allons donc !» se récria Onésime. « Tu plaisantes. Figure-toi, ma bonne amie, qu'il faisait des manières. Il prétendait qu'il serait déplacé dans un jeune ménage à cause de sa réputation de vert galant. » À cette maladroite allusion, Madame Dordelu rougissait et Courouvre paraissait gêné. Onésime, imperturbable, sans se douter de sa balourdise, continuait. « J'ai dû l'enlever de force. » « Ah, dame, ça le changera un peu, et il fera pénitence chez nous. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'il jeûne de temps à autre. Et puis, ma chère, ses parents foyer avec les tiens, et vous aurez de quoi causer. » Tandis que son mari bavardait à tort et à travers, Christine, les yeux mi-clos, étudiait sournoisement le nouveau venu. Le résultat de cet examen semblait la satisfaire, car un sourire retroussait les coins de ses lèvres rouges. De son côté, Courouvre, comparant à cette séduisante personne, ce mari sans prestige, aux jambes courtes, aux yeux ronds et au crâne déjà chauve, songeait à part lui, « Pauvre garçon, non, décidément, il n'est pas à la hauteur. » « J'ai peur, interrompit Christine, que M. de Courrouve ne se repente de toute façon d'être notre hôte. D'abord, ce soir, il y a un pauvre souper. Je suis prise de court et nous avons ici si peu de ressources. Bon, madame, répliqua gaiement Antoine, ne vous tarabustez point. Je suis un débrouillard, moi. Les bois sont à deux pas, et si vous aimez les champignons, je vous réponds de vous en apporter un plat copieux que j'assaisonnerai moi-même, au besoin. Ça y est, s'exclama Onésime. J'ai campos cet après-midi. Nous allons filer tous deux en forêt et nous y récolterons de quoi souper. Eh bien, et moi, on ne m'emmène pas, protesta Christine avec une étincelle de désir dans les yeux. Je ne te le proposais pas parce que je sais que tu n'aimes pas à marcher. L'exercice me fera du bien, déclara la jeune femme avec vivacité. Je ne vous demande que 5 minutes et je serai à vous. Quelques instants après, elle reparaissait, coiffée d'un chapeau de paille à large bord et tenant à la main une ombrelle rouge. Onésime avait prosaïquement passé à son bras un panier qu'un homme méthodique, il avait garni d'une serviette blanche. Quant à Courrouve, il avait simplement rendossé son carnier. Ils eurent rapidement franchi la courte distance qui sépare les Senades des bois de Bellefontaine. Madame d'Ordelu précédait allègrement son mari et Antoine qui marchait d'un bon pas. « Drôle de chose que les femmes !» murmurait Onésime. L'autre dimanche, j'ai emmené Christine dans les taillis de Florent. Au bout de 200 pas, elle demandait grâce. Aujourd'hui, la voilà qui trotte comme une perdrix. Courrouve ne s'était pas trop avancé en promettant à ses hôtes une abondante cueillette. À la faveur des premières pluies d'automne, suivies de 2 jours de soleil, les champignons de toute espèce pullulaient sous la futaie. Dans la lumière mordorée qui filtrait à travers les ramures, on voyait de tous côtés apparaître leurs formes bizarres et leurs couleurs vives ou éteintes. Parmi les fougères roussies, les gros bois trapus et ventrus s'étalaient. Des bandes de girolles au ton d'abricot s'éparpillaient en demi-cercle sur la mousse. Les blancs agarics poivrés tendaient comme des coupes la concavité de leurs chapeaux où séjournait encore un peu d'eau de pluie. Ça et là, de fausses oranges mettaient sur la terre noire de larges taches pourpres. Sapristi! Cria Onésime, ça foisonne, on n'a que l'embarras du choix. Oui, répliqua Courrouve, seulement il s'agit de bien choisir, ouvre l'œil. N'aie pas peur, ça me connaît. Et maintenant, mes enfants, partageons-nous la besogne. Tirez à droite, moi je pousse à gauche, et nous nous rejoindrons à la gorge au pommier. Il commença à fureter parmi les cépés, très affairés, se courbant, se relevant, puis peu à peu disparaissant derrière un pli de terrain. « Quel brave garçon que votre mari !» dit Antoine à Madame d'Ordelu quand ils se trouvèrent seuls. « Oui, » répondit-elle avec une légère moue, « il ne ferait pas de mal à une mouche. »« Et pourtant, » ajouta-t-elle en riant, « il serait très capable de nous empoisonner, car il se vante en prétendant s'y connaître. Quant à moi, j'avoue que je n'entends rien aux champignons. Je vous montrerai ce qu'il faut cueillir, madame, et vous en saurez bien vite autant que moi. Je serai enchanté d'être votre élève. » reprit-elle en coulant vers lui une œillade malicieuse qui le troubla. Ayant ouvert son couteau, il s'agenouillait et détachait 2 ou 3 cèpes bronzés. « Tenez, dit-il, en voilà que vous pourrez cueillir à coup sûr. » Pour être plus libre de ses mouvements, Christine, ayant relevé et épinglé la jupe de sa robe, montrait 2 petits pieds cambrés et la naissance de jolies jambes. Tout en ramassant les cèpes, Antoine ne résistait pas au plaisir de lorgner les fines chevilles chaussées de bas de soie gris. Cela le changeait des dessous douteux des cabaretières qu'il fréquentait le plus souvent. Ils étaient tombés sur une plantureuse poussée de champignons et Christine s'agenouilla pour aider son compagnon à les cueillir. Elle prenait goût à cette chasse. Elle avait rejeté son chapeau sur ses épaules et ses frisons bruns effleuraient parfois la joue de Courrouve. La voyant déjà essoufflée, celui-ci lui saisit les mains et la força à se relever. Je ne veux pas que vous vous fatiguiez, murmura-t-il. D'ailleurs, nous avons déjà de quoi confectionner un beau plat, et il est inutile de nous charger d'un tas de cèpes qui ne se garderaient pas. Si vous m'en croyez, nous gagnerons tranquillement la gorge au pommier, et nous y guetterons Onésime. Sans attendre une réponse, il passait le bras potelé de Madame d'Ordelu sous le sien, et lentement il cheminait à travers la futaie. L'après-midi tirait à sa fin. Le soleil déclinant n'envoyait plus de rayons qu'à la cime des grands fûts. Quand on traversait une clairière, on apercevait une lumière pourprée glisser à la fourche des hautes branches, puis insensiblement s'envolait dans le ciel d'un azur plus foncé, tandis qu'une ombre bleuâtre envahissait déjà les dessous de la feuillée. C'est l'heure propice aux confidences. Il semble que le crépuscule rende les causeries plus expansives, de même qu'il rend plus mystérieusement tendre les regards qu'on échange. « Ma foi, disait Antoine, je ne me doutais guère ce matin que je passerai une si agréable soirée. Pourtant, vous vous êtes fait tirer l'oreille pour venir au Sénade. Ça se conçoit, l'endroit n'est pas plaisant et vous aviez peur de vous y ennuyer. Du tout. Si j'hésitais à accepter l'invitation de ce brave Onésime, c'était par discrétion. Comment par discrétion? Mon Dieu, oui, je me pensais, je vais tomber dans ce jeune ménage qui est encore en pleine lune de miel et je ferai l'effet d'un gêneur qui interrompt un amoureux tête à tête. Oh, protesta la jeune femme. C'est M. d'Ordeluz, je parie, qui vous avait mis de pareilles idées dans l'esprit. Me suis-je trompé? Demanda-t-il en serrant plus étroitement le bras de Christine. D'abord, je suis le plus souvent tête à tête avec moi-même, puisque mon mari passe ses journées à la verrerie. Et quand on est seul, on ne s'amuse guère aux sonnades. Vous vous y ennuyez, vraiment? Moi, il me semble que je m'y plairais. Les hommes trouvent toujours des distractions. Mais quand on n'est qu'une femme, le temps dure cruellement dans ce pays perdu. Le soir, quand la nuit arrive, je me sens des fois triste à pleurer. Je me dis que le meilleur de ma jeunesse usera dans un pareil trou, que j'y vieillirai avant l'âge, et que ce n'est pas ce que j'avais rêvé. « Et qu'aviez-vous rêvé ? » interrogea Antoine en se penchant vers elle. « Ce que j'avais rêvé ?» Il y eut un silence. Christine fixa lentement sur Courbre ses yeux aux phosphorescentes lueurs. Puis avec une pointe de malice, « Vous êtes un peu trop curieux. On ne dit de ces choses-là qu'à un confesseur ou un ami. »« Eh bien, répliqua-t-il tendrement, supposez que je suis l'un ou l'autre. Un confesseur, vous » murmura-t-elle en hochant railleusement la tête. « Un ami, alors ?» En prononçant ce mot « ami », Antoine mit dans son intonation je ne sais quoi d'enflammé, qui a modifié singulièrement la signification. Il se sentait peu à peu ensorcelé par cette jolie femme dont le bras reposait sur le sien. Jamais il n'avait éprouvé pour ses maîtresses d'une semaine le fougueux sentiment qui soudain lui emplissait le cœur. C'était autre chose et plus qu'un amoureux désir. Une voluptueuse angoisse le poignait, tandis qu'il songeait à la possibilité d'être aimé de cette séduisante créature. Tout en elle, le frôlement câlin de son bras, l'onduleuse souplesse de sa démarche, l'humide scintillement de ses yeux chercheurs, tout révélait une créature faite pour donner de délicieux moments d'amour à l'homme qu'elle chérirait. Et Antoine sentait qu'il ne se consolerait jamais de n'être point cet homme-là. Sans répondre, Madame d'Ordeluz cheminait rêveuse et courroucée sous la feuillée plus obscure, ne pouvait plus distinguer l'expression de ses regards voilés. Tout à coup, en avant d'eux, un houp sonore retentit. « C'est la voix de M. d'Ordeluz, » dit Christine. « Nous devons approcher de la gorge au pommier. »« Déjà, » s'écria d'un ton de regret son compagnon. En effet, le sentier descendait brusquement vers un étroit défilé, à l'oreille duquel ils aperçurent la courte silhouette d'Onésime s'enlevant sur le fond d'or du couchant. « Hop !» s'écria celui-ci. « Avez-vous trouvé beaucoup de champignons ? Moi, j'en ai cueilli un plein panier. » À la vue de son mari, Christine avait lâché le bras d'Antoine. Ils s'en revinrent d'un bon pas travers les champs moissonnés qui s'étendaient entre la lisière du bois et les sonnades. Quand ils arrivèrent à la maison, les premières étoiles perlaient dans le ciel embruni. Christine alluma une lampe et tous trois, autour de la table massive de la cuisine, procédèrent à la révision des champignons. Il se trouva que dans le panier d'Onésime, il y avait une bonne moitié de faussèpes et d'agarics suspects. « Ah ça, malheureux !» s'écria plaisamment Courouvre. « Tu voulais donc nous empoisonner ? Moi, passe encore, mais ta femme, c'est abominable !»« Je vous avais bien dit qu'il n'y entendait rien !» observa dédaigneusement Christine. Le naïf Onésime, qui prenait tout au sérieux, était devenu pâle et se confondait en excuses. Pour le punir, on le bannit de la cuisine et on l'envoya à la cave. Tandis que la servante mettait le couvert, Courouvre déclara qu'il voulait préparer et assaisonner lui-même le plat de cèpe. Christine, qui d'ordinaire avait une répugnance pour les besognes culinaires, s'offrit comme aide, et saignant un tablier à bavette, se mit à râper de la chapelure pendant qu'Antoine hachait menu l'ail, le petit lard avec les queues des bolets, et en farcissait l'intérieur de chaque champignon, qu'il déposait ensuite dans une pourtière où grésillait du beurre fondu. Peu à peu, une plus intime familiarité s'établissait entre les deux officiants. Christine était enchantée de la rondeur et de l'entrain de ce gentilhomme coureur de bois. L'imprévu de l'aventure, qui rompait la monotonie de son existence casanière, lui donnait une animation nouvelle. Ses yeux riaient, ses lèvres égayées laissaient voir ses petites dents d'une blancheur lactée. Et Antoine devenait à mesure plus épris de son hôtesse. Ils échangeaient des remarques plaisantes et badinaient comme des enfants. Mais sous l'apparente légèreté de leur badinage, à travers leurs tapageurs éclats de rire, on sentait un secret émoi, l'anxieuse attente de quelque événement qui allait modifier leur façon de vivre et de penser. Tandis que Courouvre criait joyeusement à la servante ébobie, « Feu dessus et dessous, ma petite, tu réponds de mes champignons sur ta tête !» Tandis que Christine disait avec une pointe de moquerie, « Quel bon cuisinier vous auriez fait! Vous avez manqué votre vocation !» Et leurs regards se rencontraient et se fondaient lentement l'un dans l'autre. Une trouble volupté les alanguissait. « Vais-je tomber amoureux pour de bon ?» pensait Antoine. « Est-ce l'homme qui me fera connaître enfin l'amour ?» se demandait Christine. Sur ces entrefaites, Onésime reparut. Il portait dans un panier quatre poudreuses bouteilles, flairant l'appétissante odeur qui emplissait déjà la cuisine. « Hum, dit-il, ça sent bon ici. Si nous nous mettions à table ?» Quelques minutes après, ils étaient assis dans la salle à manger, dégustant leur souper, dont les champignons formaient le plat de résistance. La lumière blonde de la suspension éclairait également leurs trois têtes aux physionomies si différentes. Christine, un peu rêveuse et les yeux mi-clos, mangeait du bout des dents. Courouvre, malgré son robuste appétit, s'absorbait dans la contemplation de la jolie tête de Madame d'Ordelu, autour de laquelle les cheveux frisottants mettaient une auréole d'un brun doré. Onésime seul, la mine épanouie, mastique et ferme, trouvait tout excellent et versait dans les verres des rasades de son vin d'arbois. Par moments, Christine coulait par-dessus le front penché de son mari un regard furtif et surprenait les clairs yeux bleus de Courouvre fixés sur elle. Alors la jeune femme et son hôte devenaient pensifs et répondaient de travers aux lourdes saillies d'Ordelu. Celui-ci, s'efforçant d'alimenter la conversation, un peu trop languissante à son gré, remettait obstinément sur le tapis les prouesses galantes de son ancien camarade et lui poussait d'indiscrètes questions. « À ta santé, mon vieux » s'écriait-il. « Et puisses-tu trouver bientôt une brave femme comme la mienne ? Je bois ton prochain mariage. Toutes les filles que tu as enjolées en crèveront de jalousie, mais tant pis pour elles. Ne dis donc pas de bêtises, » protestait Courouvre. « Inutile de cacher ton jeu, ta réputation est trop bien établie. » « Ma bonne amie, tu vois devant toi un gaillard qui a fait plus de tours que de miracles. » Aussi, on l'a surnommé Jean du Bois Vert, car, comme dans la chanson, les blondes et les brunes, il n'en manque pas une. Quand je suis arrivé à la verrerie, on parlait encore d'une belle dame du Bois des Panses qui passait l'habit à guet pour aller le retrouver chaque nuit. Ose dire que ce n'est pas vrai, c'est les rats. Et cette fille de la chalade qui te suivait à la chasse, à bien homme, est-ce aussi un conte? Tandis qu'Onésime bavardait, Courroux remarquait un nuage sur le front de Madame Christine. Les lèvres rouges avaient cessé de sourire, une expression chagrine assombrissait les yeux verts, qui paraissaient maintenant presque noirs. Alors il résolut de rompre les chiens. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et il y a bel âge que j'ai oublié ces fredaines, qui m'ont valu plus de tablature que de contentement. Il leva son verre et ajouta, « Permets-moi, mon vieux camarade, de boire à la santé de mon aimable hôtesse. Toutes les créatures dont tu parles n'étaient pas dignes de dénouer les cordons de tes souliers. » Comme il choquait son verre contre celui de Christine, il vit tout à coup un sourire reparaître sur les lèvres de la jeune femme, dont la figure s'éclaira, comme s'illumine la campagne quand le soleil perce les nuées, et lui-même fut inondé d'une joie intérieure en constatant qu'il n'était point indifférent à Madame d'Ordelu. On se sépara fort tard. Quand Courouvre se trouva seul dans sa chambre, il demeura longtemps accoudé à la fenêtre, d'où l'on apercevait la forêt assoupie. Au fond du vallon, une buée indiquait vaguement le cours de la Bièvre, dont le frais susurrement s'harmonisait avec les pensées doucement confuses qui se remuaient dans le cerveau d'Antoine. Pour la première fois, il se sentait sérieusement amoureux. Cette Christine, avec sa taille souplement onduleuse, ses yeux noyés de désir, sa bouche d'enfant et sa gazouillante voix d'oiseau, le prenait par les sens, par le cœur et par le cerveau. Elle avait pour lui un charme inconnu, une saveur non encore goûtée. Il pressentait en elle une source latente de délices. L'idée de la posséder l'éblouissait et l'oppressait. Cette passion naissante l'absorbait si bien qu'il perdait de vue toute autre considération. Il ne se mettait en souci ni de la camaraderie d'Onésime, ni de l'hospitalité trahie. Être aimé de Christine, la serrer dans ses bras, il n'envisageait rien de plus. Son désir d'amour projetait devant lui une aveuglante lumière, au-delà de laquelle tout le reste plongeait dans une nuit aussi impénétrable que celle qui enténébrait à ce moment la forêt endormie.